Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 310 de notre podcast, un numéro pour lequel je serai en duo avec Boris. Bonjour à tous. Quelques news au programme de ce 310e épisode ainsi que nos habituelles chroniques VF puisqu'il y en aura cette fois-ci et VO. Alors Boris, tu commences comme à l'accoutumée par quelques news histoire de se mettre en jambe et on va commencer par l'actu VF et quelques annonces de sortie. Voilà, c'est surtout ça, là, des annonces de sortie qui vont marquer fin du printemps et début de l'été et qui d'avance me régalent. Alors j'en ai lu pas mal en VO au départ, donc là c'est des news VF pour l'instant. Mais bon, ça va permettre un peu de faire le point. Alors on réclamait, moi je réclamais beaucoup de Brubaker Phillips chez Delcourt. On trouvait que ça tardait à venir, donc là il va y avoir une salve assez impressionnante entre mai, juin et juillet, à commencer par Pulp, qui était sorti l'été dernier. Ensuite, comment ça s'appelle ? Ben voilà, j'ai déjà Criminal, qui est la série qui date depuis de 2019. Hein, elle avait commencé. Donc ils avaient publié un petit arc l'année dernière qui s'appelait Sale Weekend, en deux épisodes. Et là, ils décident de publier tout le reste de la série en un seul gros pavé. Donc ça va être très intéressant. C'est vraiment je pense que c'est un des meilleurs arcs de la série. Et puis arrive également, alors c'est pas du Brubaker Phillips, mais c'est un peu du Phillips quand même, puisque c'est son fils Jacob Phillips et Chris Condon qui ont fait la série That Texas Blood, qui arrive enfin en VF chez Delcourt aussi. Ouais. Et donc ça, j'ai suivi épisode par épisode et c'est très très bon, donc je le conseille vivement. Ce sera début juillet, si je me souviens bien. Et puis j'avais parlé dans le dernier podcast du crossover True Outer Darkness, qui était a priori prévu plutôt pour la fin d'année, qui finalement va arriver aussi au mois de juillet. Donc ça, c'est du très bon pour qui arrive chez Delcourt, que je conseille vivement. Ensuite, chez Panini, qui a récupéré une partie des titres AWA. Alors je ne sais pas s'ils ont une exclusivité ou pas, mais bon, pour l'instant, ils ont sorti The Resistance, qui est très bon. Zero Year, qu'on a lu tous les deux et qu'on n'a pas franchement aimé, hein. Pas franchement. C'est pas notre truc. Et vont arriver Bad Mother et American Ronin. Donc Bad Mother, je l'ai lu et j'en ai fait une chronique sur le site assez dithyrambique, on va dire. J'ai beaucoup aimé. Un thriller psychologique plutôt bien fichu. Alors pas forcément hyper original, mais un vrai rythme d'écriture. On dirait une série télé quoi, qu'on suit avec passion. Et franchement, c'est très bon. Et puis American Ronin, que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire dans pas longtemps. Donc je pourrais en dire un mot, mais deux bonnes sorties AWA chez Panini. Panini toujours, qui possède la licence TKO là, de façon intégrale. Donc ils choisissent un peu les titres qu'ils proposent. Pour l'instant, ils ont sorti que du bon, avec Sarah, Sentient, Seven Deadly Sins, et là il y a Good Night Paradise qui va sortir, qui est excellent. Et là ils choisissent de sortir en juillet Eve of Extinction. Alors c'est sans doute le seul titre que je n'ai pas aimé chez TKO. Oui, il me ramène du temps à me rappeler que tu l'avais hein? bien détesté celui-là. Et moi qui suis assez sympathique dans mes notes, je crois que c'est un des seuls titres qui a eu moins de 5, je crois, sur 10. J'ai dû mettre 4. J'ai trouvé ça très, très mauvais. Donc, c'est dire. Voilà. C'est que ça doit être vraiment très mauvais. C'est un espèce de récit horrifique avec des zombies, etc. Mais ça n'a aucune originalité. Et puis j'ai trouvé que ça n'avait pas franchement ni queue ni tête au niveau de l'histoire. Ça se termine même pas vraiment sur une fin. On a l'impression qu'on attend une suite, mais il n'y a jamais eu de suite. Donc, chacun se fera son avis. Mais moi, j'ai trouvé ça pas bon. Et je suis un peu surpris qu'ils choisissent de sortir ce titre, alors qu'il y a quand même à côté d'autres titres comme The Banks, ou le deuxième titre de Tsechun, je ne me souviens plus du nom exact, Fearsome Doctor. Voilà, merci. Voilà, à nous deux, on va y arriver. Qui était très bon aussi, donc je suis un peu surpris qu'ils sortent ce titre. Bon, après, c'est peut-être le thème zombie, etc., qui marche pas mal, et donc ils se disent que ça va fonctionner, mais moi, j'ai trouvé ça assez mauvais quand même. Et enfin, dernière news VF, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir soit en Deluxe il y a quelques années ou en Souple, donc c'est quoi la gamme en souple qui a été réédité le Daredevil de Brian Bendis en select. Merci, ouais. Voilà. Alors en select dont le dernier tome était tellement épais qu'il s'est ouvert en deux chez moi. Donc je pense que la reliure n'était pas de grande qualité. Là, ça ressort en deluxe. Donc plutôt sympa et évidemment pour ceux qui connaissent pas à saisir immédiatement parce que ça va peut-être partir aussi assez vite. Donc une bonne occasion de lire ce run, sans doute un des meilleurs runs sur Daredevil. Oui. Voilà pour la partie VF. Pour la partie VO, bien surtout des annonces là aussi de soit de séries, soit d'épisodes un peu particuliers. Alors la première. Quand tu commences par deux gros trucs quand même. Les deux premières annonces sont quand même waouh. C'est vrai, il faut le dire. Et celle-là, enfin la première, donc c'est The Nice House on the Lake de James Tanoy Fort qui doit pas dormir la nuit, je pense, parce qu'avec tout ce qui sort, c'est pas possible. Et Alvaro Martinez Bueno, qu'on apprécie beaucoup et qu'on avait vu sur Justice League Dark. Donc, en fait, le dessinateur nous avait révélé qu'il travaillait sur un projet dont il ne pouvait parler. Voilà, c'est cette série qu'il crée avec James Sanford. Donc, assez impatient, ça va certainement donner dans l'horrifique. Les premiers visuels sont assez intéressants. Donc, voilà, une série déjà précommandée. Le deuxième titre, c'est encore Cullen Bunn et Jonas Scharf qui reviennent après Bone Parish, que j'ai apprécié et lu en VF, pour une série qui s'appelle Basilisk, qui doit donner un peu dans le même style toujours. Hein. Toujours un peu d'horrifique, un peu de suspense, du thriller. Cullen Bunn est assez bon dans ce genre de série. Donc là aussi, bien envie de voir ce que ça va donner. Quelques petites annonces un petit peu différentes. D'abord chez Volt, dont je découvre petit à petit les séries et que je trouve assez intéressantes quand même. Il y a quand même pas mal de petites pépites. La richesse du catalogue de chez Volt est assez... Finalement, ouais, je connaissais pas trop et depuis 6-7 mois, là, je pioche un peu. Là, et finalement, il y a quand même pas mal de choses et c'est assez intéressant. Donc là, il y a Michael Morici qui a déjà travaillé plusieurs fois chez Volt, notamment sur The Plot, je crois, qui va sortir en VF chez iComics, revient sur une série barbarique, qui s'appelle Barbarique. Alors, a priori, si j'ai bien compris, c'est un personnage et une série qui existait il y a un certain temps. Alors, j'ai pas trop détaillé. Mais bon, ils reprennent, ça sent le Conan le Barbare de chez Volt, quoi. Ça va être dans cet esprit-là, assez sanglant et violent. Donc, bon, à découvrir, je pense que ça peut être pas mal. Dans l'univers de Black Hammer, Jeff Lemire va produire sa 703e mini-série parallèle, je crois, hein, on n'en est pas loin de ça, qui va s'appeler Black Hammer Reborn. Et là où je suis ravi, j'en avais parlé aussi dans le dernier podcast, c'est qu'au dessin, c'est Kathleen Yarsky qui dessine Bliss. Et donc j'avais bien envie de voir le travail sur un autre projet. Et ça serait colorisé par Dave Stewart. Je pense que là, on est plus sur la continuité de la trame principale que sur une mini-série parallèle. Là, on va vraiment revenir... on a eu la série Black Hammer d'origine, puis après, on avait eu Age of Doom, je crois. Hein, c'était celui-ci qui faisait le deuxième, ouais. Le deuxième volet. J'ai l'impression que Reborn sera le troisième chapitre de la grande saga. Ouais. D'accord, ok. Je n'avais pas vu en détail, mais c'est bon. C'est vrai qu'il y a pas mal de séries spin-off hein, qui sortent à droite à gauche, donc... Je supposais au préalable que c'était ça, mais peut-être que ça va être la suite. Enfin, je pense que graphiquement, ça devrait être intéressant de voir ce que la dessinatrice peut faire sur cet univers. Oui. Hein, pas, plutôt, plutôt engageant. Ce crossover dont on va parler tout à l'heure dans les reviews, le numéro 7 va être pris en main par Chip Zdarsky et Philester. Alors, beaucoup de mystères autour de cet épisode numéro 7. Est-ce que ce duo d'artistes va prendre la suite pour un arc entier ou juste un épisode? La cover mise en ligne est assez mystérieuse, on ne sait pas trop. C'est un peu méta, avec des très, commentaires très de Donny Cates. Voilà. Bon, on peut faire confiance à tout ce petit monde. Hein, entre Donny Cates, qui pour l'instant nous régale sur la série, et puis Chip Zdarsky, qui sait y faire. Qui nous régale un peu partout ailleurs. Ouais, voilà, oui. Donc, assez curieux de voir ce que ça va donner, mais bien sympathique. Ouais, j'étais très très intrigué quand j'ai vu la sollicitation dans le catalogue Previews là, qui vient de sortir. Le petit commentaire, la sollicitation écrite par Donny Cates lui-même qui s'adresse à nous en disant « Quoi Chips qui écrit mon bouquin? Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin voilà, on sent vraiment le côté méta et ouais, ça m'a beaucoup beaucoup intrigué. Ça va être du coup un des titres que je vais le plus attendre au mois de juin, je crois. C'est puis surtout que la série, pour l'instant, est quand même très, très de bonne. qualité. Ouais. Donc, bon, ça devrait être sympa. Dernière annonce, le retour de Grant Morrison chez DC pour du Superman. Alors, une mini-série, a priori, qui s'appelle Superman and the Authority, dessinée par Michael Hanin. Bon, bah, c'est du Grant Morrison, c'est du Michael Hanin. Ça donne envie quand même d'aller voir ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas exactement en quoi ça va consister. Sans doute que les personnages de The Authority vont revenir faire un petit tour dans l'univers d'ici. Puis il y a du Superman. C'est vrai qu'on a été un peu sevré de bon Superman depuis quelques temps. Donc peut-être que ça va nous redonner goût à ce personnage. Pas toujours bien choyé. Donc intriguant. Pas toujours. Voilà pour les news. Ok. Bon, ça fait quand même pas mal de projets sympathiques. Il en reste une dernière sur le conducteur que tu me laisses peut-être volontairement. Ouais, je te la laisse si tu veux en parler un petit peu. Tu es mieux placé que moi. Effectivement, Marvel a annoncé cette semaine rompre le contrat d'exclusivité pour sa distribution de ses comics papier avec Diamond et avoir signé un deal pour plusieurs années avec Penguin Random House, qui est un distributeur de bouquins assez connu à l'échelle internationale, mais qui n'est pas habitué aux comics et encore moins au direct market auprès des comic shops. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On sait que Diamond pourra continuer à vendre les comics Marvel aux comic shops, puisqu'ils seront eux-mêmes un gros client de Penguin Random House, et du coup, en s'approvisionnant en masse chez eux pour nous abreuver, nous, derrière comic shop, ils espèrent pouvoir nous proposer les mêmes tarifs que jusque-là. On n'en sait pas plus, voilà. Est-ce que cette annonce ne va concerner que les États-Unis ou le monde entier? On ne sait pas. L'année dernière, quand DC avait annoncé sa rupture avec Diamond, on s'est aperçu très vite que finalement, pour l'Europe, et pour le reste du monde en tout cas, enfin surtout pour l'Europe, ça ne changerait rien, puisque c'était toujours Diamond, par sa branche britannique, qui distribue les comics DC pour l'Europe. Est-ce que ce sera pareil pour Marvel? On ne sait pas. Donc on va juste patienter. Mais bon, l'expérience de DC d'il y a un an nous fait maintenant relativiser les choses, et on se dit que peut-être ça va pas changer grand-chose pour nos Européens, finalement. Grosse annonce quand même pour le marché américain et pour l'industrie en elle-même, puisque c'est le deuxième gros éditeur et le plus gros éditeur qui rompt ses liens avec Diamond. Donc que va faire Diamond avec du coup maintenant juste les indépendants? Le plus gros éditeur de Diamond maintenant, c'est Image. Oui, ça va quand même, pour les États-Unis en tout cas, changer quand même certainement. Ça va changer beaucoup la donne, ouais, surtout en termes de frais de port pour les magasins, parce que du coup ils se tapaient la livraison Diamond, la livraison Lunar pour les comics DC, et maintenant ils vont devoir se taper en plus Penguin Random House pour Marvel. Donc ça fait 3 livraisons par semaine, donc 3 fois les frais de port à régler, 3 taux de réduction j'imagine pour acheter les comics différents, 3 conditions de vente différentes en fonction des distributeurs. Ça risque de commencer à faire une grosse charge de travail pour les shops. Ouais, bah, on suivra ça de près, mais c'est vrai que depuis quelques mois, il y a quand même quelques bouleversements qui... Ça bouge, et j'ai l'impression qu'on se dirige vers un marché où chaque éditeur va finir par distribuer soi-même ses comics et voilà quoi. Donc on va acheter directement nos comics, comme un peu comme le fait TKO finalement, mais eux c'est un petit volume de sortie, mais eux ne passent par aucun sortie de distribution à part le leur. Oui, effectivement. Oui. Après c'est un format un peu particulier, mais ouais. Qu'ils n'ont pas de single mensuel. On peut acheter sous forme single, mais tout d'un coup quoi. Donc c'est un peu différent là pour des singles mensuels. Si tous les mois il faut que chaque éditeur gère son... Ouais, ça va être un bordel. Son stock de sortie, ça va être chaud, ouais. Ouais. Effectivement. Enfin. Donc à suivre du coup pour voir l'évolution sur le marché au niveau mondial et puis au niveau surtout européen pour notre cas à nous. Mais c'est pour octobre ce changement, donc on a encore le temps de voir les annonces tomber. Très bien. On commence avec philosophie. Bon, nous passons en review. Nous passons en review avec l'AVF pour commencer. Avec l'AVF. Du coup, ce sera pour toi puisque l'AVF est moi. Bref. Ah si, il y a une énorme news que tu n'as pas dite. C'est vrai, j'ai raté ça. Vas-y. Si vous allez sur Ulule, vous pourrez financer les tomes 4 et 5 de l'intégrale de Giant Days. Ah oui, je n'ai pas raté, j'ai juste oublié d'en parler. Effectivement. Donc c'est quand même une grosse... Quand on connaît l'amour que nous on a pour cette série et tout ce qu'on a fait autour de cette série, évidemment, on doit vous en dire deux mots. Et Boris, je sais que tu as fait toi un article écrit sur le site pour annoncer cette campagne de financement qui est en cours, qui se porte très bien, qui, je pense, ira au bout. Voilà, si vous voulez, ensuite, les intégrales Giant Days et du coup des choses inédites en VF. Oui. Pour la série. Ouais, tout à fait. Allez-y. Le prix est plus que correct puisqu'on est sur un prix de 22,50€, c'est ça, ou 22€ même. 22€, ouais. 22€, ouais. Par oui, donc il n'y a pas de. Par c'est intégral. Le prix vendu en librairie pour les autres intégrales. Donc il n'y a pas de. Voilà, parce que des fois, sur certains projets de financement participatif, sous prétexte de micro-bonus faits de marque-page et de petits prints, les volumes, on ne peut pas les acheter au prix où on les aurait en librairie. Donc voilà. C'est vrai que ce n'est pas forcément toujours très intéressant. Là, c'est le prix prévu. Pour les intégrales voilà, habituelles. C'est le prix auquel vous avez pu acheter les trois premières, qui restent sur les 4 et 5, sachant que c'est peut-être le seul moyen que vous aurez de les avoir, puisque est-ce que ça sera suivi d'une sortie en librairie? Je ne sais pas, puisque ça serait se couper de tout le public qui a précommandé via Ulule, donc on sait que la Je série sais pas marche trop. pas fort en librairie. Bon. Ouais, mais bon, ça devrait aller au bout, là, pour l'instant, c'est à 62%. Donc, Oui, bon, 62%, c'est quand même pas mal. et je n'ai pas encore participé, donc Ah oui, bah ça va là, passer rapidement, sans mon sang. voilà, tu vas nous prendre toutes les Car contributions on possibles. connaît ma fortune, donc. Voilà. Donc ça devrait être bon là. Contrairement au précédent projet, mais c'était sur Kickstarter, c'était pour Pogo, les strips Pogo Ouais, d'Aikilos. c'était sur KissKissBankBank, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, Kickstarter. oui, pardon, KissKissBankBank. C'était Je très pense que là, confidentiel comme la projet. campagne de pub n'avait pas été forcément formidable. On en avait parlé nous aussi, et puis moi j'adore cette série, j'avais lu le premier tome qu'ils avaient publié. Mais je pense que bon, voilà, le public n'était pas forcément suffisant en rendez-vous. Et puis je pense que bon, ils ont peut-être pas. Je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient un financement participatif. Donc ils ont peut-être pas bien géré le truc, j'en sais rien. Enfin, Peut-être. j'avais trouvé que c'était pas très bien mis en avant. Là, c'était quand même plus. Ouais, Plus. ils ont bien vu plus Voilà. le paquet en com et c'est plus Voilà. vendeur, c'est clair. Puis grâce à nous, tout a explosé. Donc. Exactement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Allez, on va passer au Allez. WVF avant de dire trop de Allons-y. bêtises et on Voilà. commence par l'intégrale Captain Marvel. Voilà, je me lance dans les intégrales de vieux titres parce que c'est vrai que tout ce qui est Marvel et DC, dans les séries récentes, j'ai réduit fortement la voilure parce que j'étais assez déçu et donc j'aime quand même toujours ces univers. Donc je me suis dit, les vieux titres, ça peut être pas mal et puis surtout, il y a plein de choses que je n'ai jamais lues, que je n'ai pas découvertes et puis Panini a quand même écouter un petit peu son public et a décidé d'ouvrir un peu son catalogue des intégrales. Alors, évidemment, comme d'habitude, le premier reproche qu'on peut faire, c'est Panini, donc c'est le prix, évidemment. Alors, pour cette intégrale Captain Marvel, il y a quand même du matos, donc bon, c'est 35 euros, il y a quand même pas mal d'épisodes, il y a des bonus un petit peu, et puis ils ont fait un petit effort sur les intégrales, parce que c'est la première intégrale que j'achète neuve depuis longtemps, et il y a. Une préface rédigée par l'auteur Roy Thomas, qui est assez intéressante. Donc, des choses un petit peu nouvelles, quand même, on peut le noter, alors que les anciennes intégrales étaient quand même assez vierges de ce genre de choses. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, l'intégrale Captain Marvel, c'est le tome 2, parce que dans ce tome 2, il y a la quasi-intégralité du run de Jim Starlin sur Captain Marvel. Et donc, on sait l'importance qu'a eu Jim Starlin sur l'univers cosmique de Marvel. Et dont on voit encore les conséquences dans les films, hein, pour ceux qui suivent les films au cinéma. Mais d'un point de vue comics, c'est quand même lui qui a introduit beaucoup de choses. Alors, dans ce tome, on commence par. Ça va de l'épisode 22 à l'épisode 33. Et puis, il y a le Iron Man 55, dont je vais parler tout à l'heure et qui a une importance. Donc, les trois premiers épisodes, en fait, sont pas du tout scénarisés par Jim Starlin. Ils sont réalisés par Marv Wolfman, Jerry Conway. Qui sont bon, quand même des noms connus et reconnus dans le milieu, mais qui là sur Captain Marvel à cette époque-là, donc ça date des années 72 à 74, savent pas trop quoi faire du personnage, et donc ces trois premiers épisodes sont franchement très dispensables. C'est du comics très générique des années 70 de super-héros avec des rebondissements improbables, des dialogues sans queue ni tête et pas forcément très intéressant, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, à partir de l'épisode de 25 arrive donc Jim Starlin qui reprend la série, qui est un peu en perdition, la série évidemment, et je pense a eu plutôt les mains libres. Donc il va reprendre la série et en parallèle dans le numéro Iron Man numéro 55, donc il va introduire un certain nombre de personnages qu'on connaît et qui vont servir à son run. Alors, il introduit Thanos, et il introduit Drax, il introduit la mort, etc. Donc, c'est vraiment une période très riche où beaucoup de personnages, beaucoup de situations, des univers, des idées qu'on connaît maintenant, qui sont réutilisées par d'autres auteurs plus récemment, sont introduits dans cette période. Alors, en termes de narration, ça reste encore un petit peu lourd. Il y a beaucoup de bulles de pensée, de pavés de texte, typiques de l'époque, qui sont maintenant un petit peu pénibles à lire et qu'on n'est pas toujours obligé de lire, d'ailleurs. Hein. Des fois, je sautais quelques petits passages. Mais d'un point de vue des idées et d'un point de vue graphique, c'est assez bluffant quand même pour l'époque. Jim Starlin a une idée par page à peu près, donc ça va à 100 à l'heure. Il y a toujours plein de choses, c'est surprenant. C'est assez... comment dire, c'est du cosmique un peu psychologique. Enfin voilà, il y a vraiment des très bonnes idées. Et puis graphiquement, il se fait plaisir. Il y a vraiment des pages époustouflantes avec certaines avec plein de cases, avec plein de dessins. C'est très détaillé. Il y a beaucoup de choses. Et indépendamment, voilà, de l'écriture un peu entre guillemets un peu vieillotte. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et ça, voilà, on comprend un petit peu d'où viennent toutes ces choses qui font le sel de l'univers cosmique Marvel actuel. Évidemment. Panini ne peut pas faire les choses totalement bien, puisque le run s'arrête à l'épisode 34 de Jim Starlin, et cette intégrale s'arrête à l'épisode 33, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si l'épisode 34 a une réelle importance pour le run, parce que là, l'intrigue se finit, on peut s'arrêter là-dessus. Mais bon, voilà, ça sent un peu le coup, on vous en colle un petit derrière pour que vous alliez acheter la suivante. Donc ça, c'est encore un petit peu pénible. Mais pour ceux qui ne sont pas réfractaires à une écriture un peu à l'ancienne, franchement, ce sont d'excellents épisodes et qui on découvre l'origine de plein de personnages, de plein de concepts qu'on connaît maintenant dans l'univers Marvel. Donc je conseille cette intégrale. Très bien. Voilà. Il te reste un petit truc en VF, je crois. Deux même. Deux, pardon. Soyons fous. Deux. Une autre intégrale. Mais celle-là, je ne l'ai pas achetée neuve parce que là, il ne faut pas déconner non plus. C'est l'intégrale de Conan le Barbare qui, même achetée en occasion, reste chère vu le nombre de pages. Soyons clairs. Hein, j'ai trouvé ça d'occasion, mais avec 190 pages, je crois qu'elle est vendue 32€ neuve. Ah oui. Voilà, hein, faut peut-être pas abuser. Bon, là, j'ai trouvé une petite occasion où j'ai pris les trois premières. Donc, bon, j'ai lu que la première pour l'instant, mais je me suis lancé. Mais franchement, le volume est très fin. Donc, là, franchement, c'est vraiment abusé. D'ailleurs, il y avait eu un tollé à l'époque de la sortie en VF. Mais c'est une intégrale qui doit fonctionner parce que là, va sortir l'intégrale 4 ou 5 ou 6, je sais plus. Donc, c'est que ça fonctionne et que ça se vend. Hein. Tous les 3-4 mois, il y a une nouvelle intégrale. Le nombre de pages n'augmente pas par contre, donc bon, ça reste un petit peu embêtant quand même. Bon, en termes de contenu, c'est du Roy Thomas et dessiné par Barry Windsor-Smith. J'avais tenté la reprise de Conan par, comment s'appelle-t-il ? Mince, qui est sorti il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Là, c'était pas Jason Aaron. Jason Aaron, oui, voilà, merci. Jason Aaron, et j'avais moyennement accroché. J'étais pas trop rentré dedans, j'avais lu le premier épisode, ça m'avait pas convaincu. Bon, là, je me suis dit, c'est les classiques. Là, je suis dans ma période classique, donc j'ai été jeter un œil. Et ça fonctionne particulièrement bien. C'est de la même période que. C'est même un tout petit peu plus vieux que le Jim Starlin sur Captain Marvel, c'est 70-71. Mais en termes d'écriture, il n'y a pas trop de pavés ou de bulles de pensée trop lourdes. C'est assez dynamique. Alors, on suit Conan qui. Des épisodes assez indépendants, hein. Il y a dans des aventures diverses et variées, donc c'est du barbare mélangé avec du fantastique un petit peu, c'est du gros muscle, ça bastonne pas mal, mais il y a quand même chaque épisode est quand même bien fichu, il y a des intrigues, on sent qu'il y a un petit fil rouge qui commence à se construire, donc je pense que dans les intégrales suivantes, ça va revenir et ça va être assez agréable à suivre. Non, franchement j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Et c'est ce qui m'avait donné d'ailleurs l'envie d'aller lire du Red Sonja ensuite. Alors l'introduction de Red Sonja arrivera que dans le volume 3. J'en suis pas là, mais ça m'avait donné envie d'aller voir ça. Et j'ai été voir chez Graf Zeppelin là, le tome de Guy Simon que j'ai chroniqué et qui était très bon. C'est un univers vraiment qui m'intrigue pas mal, qui finalement est plutôt sympathique. Et pour du travail des années 70, c'est quand même assez fluide et assez agréable à lire. Donc une bonne pioche là aussi, mais effectivement plutôt à choper en occasion parce que de neuf en neuf, franchement c'est l'arnaque. Et puis en VO les prix sont un peu du même genre, même si ça sort en Epic Collection, donc je crois qu'après je vais continuer en Epic Collection, c'est quand même moins cher. Mais au niveau des omnibus qui sont encore disponibles, quand on calcule, ça revient à peu près au prix Panini. Donc, bon. Puis là, la traduction est plutôt correcte. C'est pas Geneviève Coulon. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme ça n'avait pas été traduit, c'est Thomas Davier qui fait la traduction. Donc c'est plutôt agréable à lire. Voilà pour Panini. Et puis, je termine avec Sonata, qui est paru chez Delcourt à l'automne dernier, de Brian Amberlin, David Hein et Gerard Van Dijk. J'ai découvert ce trio d'artistes à travers Marquet, qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, que j'ai chroniqué sur le site, et qui m'avait bien accroché. Donc, j'ai été voir Sonata. C'est leur série précédente, qui n'est toujours pas finie en VO, a priori. C'était le premier tome. Alors, Sonata, c'est un univers de science-fiction qui voit deux peuples et deux cultures qui s'affrontent sur une planète qu'ils veulent conquérir suite aux difficultés rencontrées sur la leur. Et donc, ils vont découvrir un peu cette planète avec des monstres, une peuplade autochtone, etc. Et c'est au moins aussi agréable que Marquet, peut-être même plus agréable. Parce que Marquet, il y avait quelques facilités scénaristiques. Là, j'ai trouvé que c'était plus solide au niveau des intrigues et des relations entre les personnages. Et puis graphiquement, si pour ceux qui ont feuilleté un peu Marquet ou qui voient le travail de Brian Amberlin, pardon, c'est très digital. Hein, c'est du travail digital et ça effectivement à l'œil ça peut déplaire. J'avoue que sur Marquet, j'avais un peu du mal à rentrer dedans, mais une fois qu'on est habitué. C'est quand même du beau travail, bien détaillé. Là, le contexte de la planète, les environnements avec les monstres, c'est assez bluffant quand même. Donc, série, bon début de série, puisque là, c'est que le début, le tome 1. Je pense que le tome 2 devrait pas trop tarder chez Delcourt. Mais voilà, c'est un trio d'artistes que j'ai découvert très récemment et je vais m'y intéresser de plus près. J'ai bien accroché, même si David Hein, c'est un vieux de la vieille, hein, puisque c'est lui qui avait fait Daredevil Redemption, la mini-série, il y a un certain temps, qui était une très bonne mini-série de Daredevil. Donc voilà, un titre VF que j'ai bien aimé. Voilà pour la VF de mon côté. Ben, c'est très bien tout ça. C'est très bien. Il a vu de la lumière, il est entré. nous allons donc accueillir Clément. Salut Clément. Salut. Pourtant, on a tout fait pour commencer avant qu'il soit réveillé, mais voilà, pas de bol. Parce que nous enregistrons le dimanche matin désormais. C'est les changements d'heure, c'est pour ça. En plus, là, on a vraiment tout calculé. Quoi. Eh ben non, raté. Ouais. Est-ce que tu avais des lectures VF? Je ne crois pas que tu aies dit ça. Tu as plutôt des petites choses à dire sur les adaptations. Donc, je propose qu'on fasse. On est pile poil entre la VF et la VO, donc on va peut-être glisser de l'adaptation maintenant. Si tu avais quelques mots à dire, je crois. Tu pourras aller te recoucher comme ça. Voilà. Tu avais quelques mots à dire, je crois, sur Justice League. Oui. Donc, ça y est, il est enfin sorti. Enfin, je dirais le sacro-saint Justice League, mais parce qu'on a eu l'infâme boost de 2017. Et donc, forcément, très attendu. Moi, je l'attendais énormément. En termes de film, de cinéma, ça n'a strictement rien à voir avec 2017. Quoi. C'est largement supérieur. Les 4 heures, franchement, passent plutôt bien. Et il y a un gain au niveau du scénario qui est assez incroyable. Déjà, parce que clairement, c'est assez hallucinant de voir comment... Whedon et donc la Warner avaient complètement mais massacré la trame scénaristique du film et l'avaient modifié et parce que franchement il y a eu des moments je sais qu'Erwan en avait parlé mais il est pas là mais il y a eu des moments franchement moi qui en tant que fan de DC Comics et je connais quand même bien plus l'univers de DC Comics que Marvel qui m'ont fait jubiler donc je vais pas spoiler mais il y a vraiment des bonnes réussites dans le film. Bon, après, il y a le problème de Snyder, où il a tendance à abuser des ralentis, mais ça, c'est le problème de Snyder. Mais en termes de scénario, il y a un réel gain, il y a des vrais enjeux. On a un Steppenwolf qui est quand même bien, bien, bien meilleur que la version Justice League. Et on a des personnages principaux qui sont bien plus travaillés. Concrètement, là, on a par exemple une vraie origin story pour Cyborg, qui effectivement a complètement été massacré par la version de Whedon. Donc c'est une vraie réussite. Est-ce que le film serait sorti en l'état au cinéma en 4 heures? Clairement pas. C'est impossible. Vu les standards actuels, c'est pas possible. Mais c'est une vraie œuvre cinématographique. Et le revers, c'est que c'est ultra frustrant. Frustrant parce que ça annonçait vraiment des choses hyper intéressantes pour ce qui aurait dû être la trilogie Justice League. et manifestement, ça n'aura pas lieu. Mais en termes d'adaptation, c'est vraiment excellent, excellent. Ça surpasse de très loin Justice League 2017. Et je me dis que c'est du gâchis, parce que vraiment, DC, Warner aurait eu, clairement, avait le matériel pour vraiment concurrencer Marvel sur cette base. Donc, c'est vraiment excellent. Le découpage en... Alors, il y a un découpage qui est en 6 parties, qui peut être, qui peut justifier. Maintenant, c'est vrai que ça peut casser peut-être un peu le rythme, mais ça surpasse en tout point. Et je vais pas spoiler la fin, mais la scène de, bon, vraiment le climax final, parce que souvenez-vous, dans Justice League 17, on avait un climax complètement foireux, là, avec une famille russe qui était sauvée. Je sais pas si vous vous souvenez. Vous l'avez peut-être oublié, parce que je l'ai pas vu, moi. Traumatisé. Bah, t'as bien fait de pas le voir. Et là, on a un climax qui est totalement différent et qui donne ses heures de gloire à un certain personnage. Donc, non, c'est vraiment une vraie réussite, et la vision de Snyder, on peut critiquer Snyder, mais clairement, Snyder avait une vraie vision, et manifestement, il avait pensé à tout depuis le départ, donc au moins depuis BVS, mais sans doute, en fait, depuis Man of Steel. Donc, c'est vraiment une vraie réussite. Je vous incite à le voir si c'est pas déjà vu, parce que, bien sûr, oui, il y a des choses qui ne changent pas, parce qu'en fait, du point A au point D, donc le point final, fondamentalement, ça ne change pas. Mais c'est toute l'exécution vraiment qui change, et ce qui fait que c'est beaucoup plus plaisant, parce que le film, forcément, sur un film de 4 heures, quand tu passes d'un film de 4 heures à 1h48, tu as le temps d'installer à la fois tes personnages et tes enjeux, et ce qui fait que c'est, en termes qualitatifs, c'est beaucoup mieux, quoi. Puis aussi, la BO... Là, pareil, hein, la BO d'Elfman sur Justice League était assez insipide et assez naze. Et là, la BO de Junkie XL, je ne sais plus le nom du compositeur, est quand même, elle aussi, supérieure et beaucoup plus épique, s'intègre bien plus au film et assure surtout une continuité. Donc, c'est vraiment très bien. Parfait. Enfin, parfait. On t'en laisse seul juge, du coup. Je ne vais pas me taper 4 heures pour... pour voir si effectivement je partage ton avis, mais d'autres choses sont sorties récemment. Est-ce que tu as eu le temps notamment de jeter un œil à Invincible sur Amazon Prime? Pas encore. Non, pas du tout. Là, j'ai eu le malheur de continuer Flash, et il fallait que j'en parle, parce que franchement, c'est l'exemple type du série qui vire dans le n'importe quoi. Donc c'est une bouse, hein. C'est devenu une bouse, mais c'est mon plaisir coupable. Et en gros, pour vous faire un résumé, quoi, ce qui aurait dû être le season final, ça s'est résumé, Flash pour récupérer sa vitesse, c'est cours vers l'amour. Le pouvoir de l'amour est plus fort que tout. Oui, mais c'est CW tout ça. C'est CW, oui, mais à l'inverse, tu as la série, et j'en avais commencé à en parler lors du dernier podcast, tu as la série Superman and Lois, et à l'inverse, qui surprend tout le monde, qui moi me surprend, parce que franchement, en termes de qualité, elle est mais à des années-lumière de ce qu'a pu nous faire CW. C'est vraiment très bon. J'irai pas dire que c'est excellent, parce qu'il y a forcément des défauts, mais sincèrement, c'est très bon par rapport à ce que la CW a pu nous proposer. Au début, j'aimais pas du tout Tyler Hoechlin en Superman, Clark Kent, et là, ça passe, et il y a surtout des enjeux, en fait, qui n'ont jamais été traités dans l'univers dans Superman. C'est que là, ils ont fait une innovation, on va dire ça comme ça, qui, moi, me laissait dubitatif au départ, et en fait, bah, tout simplement, Lois et Clark ont deux gamins. Donc deux jumeaux, Jonathan Kent et Jordan Kent. Et franchement, j'avais vraiment peur que ça soit très cucul à praline, comme c'est nous faire CW, comme que ça soit mauvais, que ça pose pas les enjeux. Et en fait, c'est hyper bien, c'est vraiment bien écrit. C'est-à-dire, il y a, c'est pas bouffé par la. Alors, il y a des scènes d'action, donc comme toujours, pas de très bonne qualité. Ça, c'est un problème à CW de toute façon, mais il y a tous les pendants, donc c'est-à-dire comment Superman gère cet aspect-là, la vie des personnages, et c'est vraiment très intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément pu voir avec une itération de Superman, et ça donne, ouais, c'est franchement, c'est, ouais, enfin, le terme intéressant me vient, parce que ça change, et c'est assez plaisant. C'est assez plaisant à regarder, et quand je vois les avis divers et variés qui sont sur la toile, je vois très peu de mauvaises critiques, ce à quoi on pouvait s'attendre. Donc, comme quoi, on peut juger a priori une idée de série de CW, et finalement, dans l'exécution, bah, curieusement, ça peut être pas mal du tout. Donc, c'est l'une des très rares bonnes surprises que CW a pu nous faire. Donc, je tenais à le souligner. Ça change. Ça change et c'est plaisant à regarder. Ok, cool. Cool. Tu avais d'autres choses dans ton sac ou c'était bon au niveau adaptation? Bah, de toute manière, en termes d'adaptation, on n'a pas tellement. Et j'ai pas encore eu le temps de regarder Invincible. Donc. Ok, très bien. Alors, dans ce cas, nous allons passer à la VO. Et la VO, ça commence avec toi, Boris. Je n'ai plus le conducteur sous les yeux, il a disparu, donc je te laisse Oui, commencer le titre. Proctor Valeroad. Proctor Valeroad, que nous avons lu tous les deux, si j'ai Oui, bien tout compris. à fait. Alors, c'est une nouvelle série écrite par Grant Morrison et Alex Child, dessinée par Naomi Franchise et colorisée par Tamara Bonvillain. Alors, ce qui m'a attiré sur cette série, moi, c'est le nom de Grant Morrison. Pour aller voir ce que ça va l'air. Je ne sais pas exactement quelle est sa contribution par rapport à Alex Child, puisqu'a priori c'est plutôt au départ une idée d'Alex Child, que je ne connais pas personnellement. Mais bon, voilà, j'ai Grant Morrison égale curiosité, égale on va voir ce que ça donne. Donc ça se passe dans les fin des années 60, début des années 70, pendant la guerre du Vietnam, aux États-Unis, dans une bourgade, on va dire, américaine moyenne, où un groupe de jeunes adultes qui sortent de l'adolescence, on va dire, dont certains attendent avec inquiétude peut-être leur au Vietnam pour faire la guerre, vivotent, à des relations, etc., se croisent à la fête foraine, ce genre de choses, et se lancent des défis un peu effrayants, on va dire, voilà, ils se mettent au défi de faire un certain nombre de choses. Et les filles lancent un défi aux garçons sous forme d'une histoire racontée par une des filles du groupe. Et ça va pas tourner vraiment comme c'était prévu. Alors, c'est un ton un petit peu particulier. Je pense que ça va tourner à l'horrifique, puisque à la fin, quand même, voilà, il y a des petits événements un peu rudes qui se produisent. Mais tout le long de l'épisode, c'est quand même un ton un peu léger, quand même. Il y a beaucoup de discussions, de dialogues, de blagues de grands ados, jeunes adultes. J'ai trouvé ça un petit peu bavard par moments, moi, notamment au milieu. J'ai trouvé que ça avait du mal un petit peu à se lancer. Mais finalement, l'ensemble est plutôt intriguant et je vais aller voir le deuxième épisode parce que les enjeux sont plutôt bien installés, quand même. Des personnages assez attachants, voilà, surtout le groupe de filles, le groupe de garçons est un petit peu moins attachant, un peu agaçant par certains aspects. Et puis il y a Naomi Frankitz au dessin. Alors Naomi Frankitz, c'est elle qui a dessiné Misfit City, qui est sorti en français chez Kinaï, pour ceux qui l'ont lu, ou elle a dessiné aussi une mini-série Harrow County de Cullen Bunn. Et j'aime beaucoup son trait. Alors elle a un trait assez rond. Assez joyeux, on va dire, je sais pas si on peut dire joyeux, mais voilà, assez positif, qui cadre bien avec le ton de la série initiale, c'est-à-dire assez léger, mais je pense que dans la partie quand ça va mal tourner, il y a quelques scènes un peu où il y a des monstres là, horrifiques, et ça donne bien aussi. Et puis Tamara Bonvillain est quand même une coloriste qui fait du bon travail avec des couleurs assez chaudes qui confirme le ton de la série. Donc, pas un coup de cœur, mais plutôt intrigué, plutôt agréable, et puis agréable à l'œil aussi. Donc ça, c'est pas mal. Donc j'irai voir le 2, et puis on verra ce que ça donne par la suite. Eh bien, Voilà. je partage en tout point cet avis. Pas un coup de cœur, mais suffisant pour donner envie de continuer et que ce soit plutôt plaisant, je pense, comme mini-série. Donc voilà, moi ça fait le job d'un numéro 1. C'est pas le Morrison qu'on a l'habitude de lire du tout. C'est beaucoup plus léger, mais ça Ça, marche. c'est clair. C'est pas complexe, hein. C'est bien. C'est un peu le Morrison de Klaus, par exemple, qui Oui, était aussi on est plus là-dedans, oui. quelque chose de plus léger, plus simple. Et c'est pas mal non plus. Tout à fait. Donc, ouais, bon début. Est-ce que Serial numéro 2, c'est pas mal non plus? En tout cas, la couverture était assez sanglante. Oui, effectivement, la couverture. C'est ce que je me suis dit après l'avoir lu, j'ai revu la couverture et je me suis dit, bah, la couverture, c'est une couverture qui traduit pas vraiment Super. l'intérieur. Mais bon, J'adore. c'est une belle couverture quand même. Mais je pense que ça va saigner quand même à un moment ou à un autre. Hein, mais... Donc, c'est Terry Moore, Serial épisode 2. Alors, j'avais lu le premier, j'en avais dit plutôt du bien sans être totalement emballé. C'est du Terry Moore en single, c'est-à-dire que ça manque un petit peu de densité. Terry Moore, il faut quand même le lire en collecté plutôt. Mais bon, moi, mon amour est tel que je lis en single, puis en collecté, puis en VF, puis sous tous les formats. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Donc, l'histoire initiale, c'est avec le personnage qui s'appelle Zoé, qu'on avait déjà vu qui a été créé dans Rachel Rising. Et donc, dans le premier épisode, un homme qui allait fricoter avec sa maîtresse en bordure de falaise dans une voiture se faisait tout simplement zigouiller par cette fameuse maîtresse qui justement cherchait à se débarrasser de prédateurs parce que le monsieur n'avait pas des méthodes très recommandables. Et donc, la femme de ce monsieur était en fait une connaissance de Zoé. Donc, c'était ça l'introduction. Et il se passait pas énormément de choses dans ce premier épisode. C'était vraiment assez peu dense. Là, on retrouve donc là où on a laissé à la fin du premier épisode. Et donc, la police tente d'élucider un petit peu ce meurtre. Et Zoé s'en mêle et va régler rapidement les choses. C'est une jeune fille très à l'aise qui a de bons arguments à chaque fois pour remettre chacun à sa place. Et donc, c'est elle qui va prendre en main cette enquête. Et là, c'est un petit peu plus dense. Il se passe plus de choses. Et franchement, c'était très agréable à lire. Voilà, c'est assez malin la façon dont elle enquête. On sent que c'est une jeune fille plein de potentiel. Alors, dans les séries précédentes où elle apparaissait, il y avait beaucoup d'humour autour d'elle. Elle avait souvent des répliques assez marrantes. C'était assez fun. Là, il y a quelques petits passages assez drôles. Mais c'est plutôt tendu et sombre comme histoire. Donc, je pense qu'on va être plutôt effectivement dans une histoire... un peu, il va y avoir un petit peu du sang, hein, de l'horrifique comme le montre la couverture, mais surtout voilà une histoire d'enquête, de d'intrigue qui devrait être assez agréable à suivre. Donc j'ai davantage aimé cet épisode 2. Le trait de Terry Moore, bon moi j'adore, donc c'est du bon Terry Moore, il ne bague pas du tout ses planches, donc toujours bien agréable, une suite plus engageante et plus enthousiasmante que le premier épisode. Donc, de toute façon, moi, je vais suivre. Hein. J'adore cet auteur, même si j'avais été déçu par son graphic novel Ever, très déçu même. Mais là, c'est bien parti. Je suis plutôt content. C'est une bonne série pour l'instant. Bah, tant mieux. Ça, tu renoues avec. Je pense qu'il est plus. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est le thème de Ever qui lui allait pas et qu'il a pas su. Enfin, de mon point de vue. Hein. Ouais. Puis au niveau rythme, voilà, c'était un graphic novel. C'est la première fois qu'il faisait un graphic novel. Et il y avait toute une partie très bavarde et très longue au milieu. Et je pense que, voilà, en termes de rythme, il n'avait pas forcément, de mon point de vue, su gérer, gérer ça. Donc, tandis que là, sur une série, bon, c'est un peu décompressé. Ça n'avance pas beaucoup en single. Mais c'est plus agréable à lire au niveau de l'écriture. Voilà. Bon. Voilà pour cette série. Ensuite, un autre, enfin pas un autre, puisque c'était enfin, pas un coup de cœur, mais là, un vrai coup de cœur depuis plusieurs épisodes. Je ne sais pas si tu as commencé, pas du Mathieu. Tout, pas du tout. Pas du tout. C'est du one-shot, bon. Donc c'est les choses en général que je lis quand j'ai le temps. J'essaie de me tenir plutôt à flot sur les séries régulières. Non, la suivante, c'est Homesick Pilots. Ah, c'est Homesick Pilots. j'étais sur le Black Hammer Visions numéro 2, personnellement. Ah, t'as sauté une ligne. Sauté, hein. C'est pas grave. Mais vas-y donc, pour Homesick Pilots, je n'ai pas commencé. Donc, c'est pas des one-shots. Homesick Pilot, donc c'est Dan Waters, Kaspar Vinsgaard, Aditya Bidikar au lettrage. Donc c'est une série qui a commencé, donc c'est le numéro 4 il y a plusieurs mois et qui d'épisode en épisode m'a régalé. Je connaissais pas Dan Waters, j'ai découvert parce que là à la fois chez Volt et chez Image il a sorti plusieurs séries en simultané. Et de ces séries-là, vraiment, c'est ma préférée, Homesick Pilot. Alors, le pitch de base, c'était un groupe de jeunes dans les années 90 qui zonnaient un peu, voilà, de concerts en fumette de pétards et en roulage de pelle, on va dire, pour résumer grossièrement. Dans ce groupe, il y avait une jeune fille qui était un peu perdue, quoi, familiale, au niveau de sa famille, c'était pas le top. Elle se cherchait un peu et sur une colline il y avait une maison hantée, enfin qui a été réputée hantée. Et donc elle a été voir un petit peu ce qui se passait dans cette maison. Et puis en fait, dans cette maison, il y a des fantômes et elle en vient à être liée à ces fantômes et à devoir retrouver des fantômes. Donc voilà, c'était ça un peu le pitch de départ. Et donc depuis, elle est dans cet environnement-là. Alors là, elle avait quelques soucis dans l'épisode précédent. Elle se retrouvait face à des vilains, on va dire. Alors, c'est pas des fantômes, je sais pas trop comment on pourrait décrire ça, des entités qui lui cherchent des crosses. Et va venir l'aider un de ses amis de son groupe qui va lui aussi aller dans la maison hantée pour la retrouver et va bénéficier d'une aide pas super héroïque mais avec un peu des pouvoirs. Donc là, grosse surprise parce que ça se transforme un petit peu voilà en série d'action avec un peu de baston et de super héroïque de super héros entre guillemets. Hein, c'est pas du super héros classique on va dire. Mais une série qui bascule un peu et qui change un peu de thème. Et ça n'empêche que c'est toujours aussi bon. Franchement, les relations entre les personnages sont bien écrites. D'un point de vue idée et au niveau scénario de conception des êtres, des fantômes, etc., des êtres qui s'affrontent, c'est assez malin. Donc ça se passe dans les années 90 et Kaspar Wingard est un fan de cette période et il exploite tout ce que les vieux comme nous ont connu, c'est-à-dire les bandes magnétiques de cassettes vidéo, ce genre de trucs, pour façonner graphiquement ces monstres et c'est assez bluffant d'idées. Et moi je me régale bien à regarder cette série déjà. Et à la lire aussi, puisqu'au niveau du scénario, ça avance bien quand même, et c'est toujours aussi palpitant. Donc là, je dirais, là, un coup de cœur, franchement, depuis 4 épisodes, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. C'est vraiment une série très solide, très surprenante, qui va pas forcément dans la direction qu'on attend, et avec des personnages, alors notamment la jeune fille, personnage principal, plutôt bien caractérisée et attachante. Donc c'est vraiment un des voilà quand je reçois mon colis c'est une des séries qui figure sur le haut de la pile et c'est vraiment sympa. Alors là il va y avoir encore un épisode pour la fin de l'arc mais a priori j'avais compris que c'était une mini-série mais a priori ça va reprendre après avec une pause d'un mois et puis un nouvel épisode numéro 6. C'est ce qu'a annoncé le scénariste sur les réseaux. Donc soit j'avais rien compris ce qui est possible, soit c'est une série qui marche plus que prévu et donc il continue l'aventure. Donc moi je le conseille fortement. Si vous aimez un peu tout ce qui est un peu fantastique et puis des dessins assez jolis avec un travail sur les couleurs assez intéressant, allez tester. C'est un de mes coups de cœur de ces derniers mois. Okay, c'est dans ma pile. C'est dans ta pile. Très bien. Eh bien j'espère que tu vas te régaler. Une box bientôt de la honte. Tu as enfin eu le numéro 2 de Black Hammer Visions, parce que le premier, tu croyais que c'était celui-ci qui était écrit par Geoff Johns, et non, c'était le deuxième. Ouais. Est-ce que l'attente a été récompensée? Ça a été, oui. Alors, c'était effectivement pour ce duo, Geoff Johns, Scott Collins, que je me suis dit, je vais prendre cette série, même si bon, l'idée d'une série anthologique sur Black Hammer me tentait bien aussi, mais c'est quand j'ai vu ces deux noms-là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir cette série. Alors le premier épisode, c'était Patton Oswalt, que je ne connaissais pas, et l'épisode m'a plutôt plu. Franchement, c'était vraiment sympa comme épisode. Et celui-ci que j'attendais beaucoup, eh bien, malheureusement, j'ai bien moins accroché. C'est autour du personnage de Madame Dragonfly, donc, puisque je pense que en fait, chaque épisode va tourner autour d'un personnage, hein, qui sera scénarisé par différents scénaristes. L'épisode a un côté sympa, c'est que c'est un peu l'idée des six comics horreur Conte de la Crypte. Donc il y a Madame Dragonfly qui, sur la première page, introduit son histoire en disant « Bienvenue dans la cabane des horreurs, etc. Lecteur, si tu n'as pas peur, viens suivre notre aventure. » Enfin voilà, la présentation habituelle. Donc ça, voilà, bonne introduction, on se dit ça va être sympa, on sent un petit peu l'ambiance. Alors on suit un jeune type dans son van, dans la campagne américaine, sous la pluie, enfin voilà, un contexte un peu sombre, un peu glauque, qui s'arrête, alors qui a dans son coffre de van un jeune homme attaché, bâillonné, avec quelques cocards, donc on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est pas très ragoûtant. Et puis il s'arrête acheter des cigarettes dans une officine qui qui finalement, n'est pas ouverte. Et puis le garçon arrive à s'échapper. Et puis là, il le course. Et puis en fait, le garçon se réfugie dans la maison de Madame Dragonfly. Et là, il va se passer des choses fantastiques, puisque Madame, c'est le pouvoir de Madame Dragonfly. Et j'ai franchement, j'ai pas bien compris ce que voulait raconter Geoff Johns. J'ai trouvé ça assez ennuyant à lire. Pas très, voilà, palpitant. J'attendais qu'il se passe, voilà, qu'il y ait un vrai twist, un vrai retournement, mais en fait, non. Il se passe pas grand-chose, et puis la conclusion est fade, quoi. Donc, franchement, j'ai été déçu. J'ai pas du tout accroché. Scott Collins, il a un trait quand même assez particulier, hein. Et là, je l'ai pas trouvé excellent. Voilà, c'est correct, mais c'est pas du top. Non, finalement, voilà, j'y allais sur cette série pour cet épisode et pour ce duo, et puis... Puis bien moins conquis que pour le premier épisode. Donc on verra. Le suivant, c'est Chip Zdarsky. Donc là aussi, beaucoup d'attentes. J'espère cette fois-ci ne pas être trop déçu. Mais non, c'est un peu... Bon, après, c'est le lot des séries anthologiques. Hein. Mais voilà, c'est quand on a un scénariste qu'on attend et qui répond pas présent, c'est décevant. Mais bon. Ça va pas m'empêcher de continuer vu que après c'est Zdarsky, puis après il y a d'autres scénaristes qui m'intéressent aussi, mais voilà, un peu déçu. Mais par contre, crossover, tout ça, ça te déçoit pas? Non, là clairement c'est autre chose. Hein. Ouais, donc crossover numéro 4, Donny Cates au scénario, Jeff Cho au dessin, Dick Cunniff aux couleurs. Donc on continue sur la lancée des précédents épisodes. On rappelle, il y a eu, on va dire, une incursion des super-héros de papier dans le monde réel. Et depuis, ils sont contenus sous un dôme pour éviter que des catastrophes supplémentaires se produisent, on va dire, pour résumer un petit peu. Et dans le monde réel, une jeune femme qui travaille dans un comic shop a recueilli une petite fille qui fait partie de ce monde des super-héros et cherche à lui faire retrouver ses parents. Crossover, le titre était alors c'est le titre qui est donné pour l'événement qui s'est produit, c'est-à-dire cette incursion des super-héros dans le monde réel, mais on s'aperçoit petit à petit qu'en fait, crossover, c'est aussi un crossover des séries indées de Donny Cates. Dans le précédent épisode, il introduisait les personnes de The Paybacks, une série qu'il avait écrite il y a très longtemps. Que je me suis procuré, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire avec envie. Et ben là, c'est pareil, l'histoire continue. Donc, ils essayent toujours de pénétrer le dôme pour essayer de retrouver les parents de cette petite fille. Donc, ils sont aidés par les héros de l'équipe de Payback. Ils s'introduisent dans un musée pour essayer de trouver une sorte d'artefact. Et puis là, il se produit tout un tas d'événements. Et notamment, il rencontre une personne qui est un personnage qui était intervenu dans une autre série de Donny Cates, qui est God Country. Alors là, c'est même plus subliminal ou par des petits effets, on découvre le personnage. Il y a carrément trois pages de God Country reproduites dans le comics au moment où on croise ce personnage. Et il y a une page de pub sur le volume fait par Image. Oui. Donc là, c'est clair, net et sans bavure, mais autant l'autre fois, je m'étais dit qu'il ne faudrait pas que ça tourne à l'autosatisfaction et voilà, se regarder le nombril, autant je trouve que c'est plutôt rigolo et plutôt sympa la façon dont c'est fait. Et puis, ça donne envie de découvrir, alors moi, God Country, je l'ai lu et j'avais beaucoup aimé, mais de s'ouvrir un peu sur tout ce qu'a fait Donny Cates. Et s'il arrive à amalgamer un peu tout ça, et ben ça risque au final de faire quand même quelque chose de vraiment sympa. Et puis Geoff Cho au dessin, ben en refeuilletant un peu God Country, puisque c'était lui aussi le dessinateur de la série précédente, on s'aperçoit qu'au niveau dessin, il a quand même pas mal, ça s'est affiné, je trouve qu'il a bien progressé. Son trait est plus propre, on va dire, moins crasseux que pour God Country. Alors après, bon, chacun... Chacun précise plus ou moins le tracé, mais je trouve que c'est mieux. Il a bien progressé, je trouve que c'est plus agréable à voir. Donc moi, oui, coup de cœur aussi. Hein. Franchement, cette série, j'avais quelques craintes un petit peu là quand j'ai vu que ça mélangeait un peu toutes les séries de Donny Cates, mais Je trouve qu'il maîtrise bien son truc. C'est un vrai titre, un bon petit mélange entre super-héros, action et un peu commentaire méta, voilà, sur le médium. Et c'est plutôt bon. Et puis c'est bien dessiné. Donc, bien agréable. Ok. Pendant que je te laisse prendre connaissance du petit message que je viens de mettre, je vais vous Ah. parler rapido de trois titres, mais vraiment très rapide, pour vous dire que je vous en parlerai sans doute une prochaine fois. Dans la relance de DC actuellement, enfin DC est reparti sur une nouvelle ère avec Infinite Frontier, et les séries repartent pour la plupart avec des nouvelles équipes créatives et tout ça. Il y a trois titres qui ont retenu mon attention, c'est le Nightwing de Tom Taylor et Bruno Redondo, beaucoup plus lumineux, mais qui traite quand même toujours le traumatisme du décès d'Alfred d'une manière assez inattendu avec la lecture du testament notamment. Donc intéressant la nouvelle direction que donne Tom Taylor, avec un petit côté Hawkeye de Matt Fraction à l'intérieur. Enfin voilà, il y a deux, trois trucs super intéressants. Le Batman de James Tynion 4 aussi continue, mais au numéro 106, mais on part sur une nouvelle direction. Et là, Tynion 4 nous ramène le Scarecrow sur le devant de la scène, et puis nous glisse en toile de fond les histoires de Magistrate qu'on a pu découvrir dans Future State, et commence à nous placer les premières graines dans le présent du Magistrate. Donc assez intéressant, assez intriguant, petite histoire sur Robin par Jeremy Hamson à la fin qui est assez cool. Et puis le Superman 29 aussi. Le Superman 29, nouveau scénariste, Bendis est parti, c'est Philip Kennedy Johnson qui démarre plutôt, à la fois sur Action Comics et sur Superman, et du coup, dans un numéro intitulé The Golden Age Part 1, on retrouve John Kent et son père aux prises avec une menace extraterrestre, et on apprend dans la voix off de John Kent, qui est le narrateur de cet épisode, que ces événements sont ceux qui vont précipiter la situation que l'on connaissait aussi dans Future State et qui vont amener potentiellement à la mort de Superman. Donc assez intéressant comme début d'arc et comme manière de raccrocher les ponts avec le futur qu'on nous a présenté. Est-ce que ce futur va se réaliser ou pas? John va essayer de faire en sorte que non, mais on sent bien que lui qui a vu le futur, notamment à l'occasion de son voyage avec la Légion, on sent qu'il va avoir un sacré conflit à gérer, un conflit interne à gérer, ne rien dire à son père, mais essayer d'empêcher que ça arrive, tout en étant un peu résigné parce qu'il sait que ça arrivera. Voilà, il y a quelque chose qui joue d'assez intéressant pour John là-dedans, et du coup, moi j'ai bien envie de voir. Ces trois séries-là m'ont bien accroché, donc je vous en dirai deux mots prochainement, dans un prochain numéro, pour voir si ce démarrage est confirmé, en tout cas. Voilà. Et donc nous arrivons prochainement à la fin de cet épisode, puisqu'on est déjà à 1 heure d'enregistrement, c'est la durée qu'on essaye de se fixer à chaque fois désormais. Et du coup, Boris, tu as une nouveauté encore dont tu souhaitais nous parler, et puis Ouais. du coup, si j'ai bien compris, on se garde le reste pour une prochaine fois. Oui, Ça roule. La on va nouveauté, faire comme ça. c'est Two Ou je vais en Moons. dire, il y a un, deux trucs où je vais peut-être juste dire En un mot ou express, deux. comme je viens de faire. Ouais. Alors, Two Moons, c'est la nouvelle série de John Arcudi qui est dessinée par Valerio Giangiordano et colorisée par Dave Stewart. Alors, c'est une série dont l'histoire se déroule pendant la guerre civile américaine à la fin du 19e siècle, qui va faire intervenir magie et croyances indiennes, sorcellerie un peu horrifique. Donc, on suit un jeune soldat d'un des deux camps qui est en fait, pardon, le petit-fils d'un sorcier indien, voilà, dont qu'on va apercevoir un petit peu, mais pas tellement, on découvre pas grand-chose sur lui, et qui a comme des visions ou des cauchemars où il voit des choses assez étranges, qui l'effraient, qui sont avec des monstres, etc. Et tout ça sur fond de conflits, de combats. Donc il y a des scènes d'affrontement entre les deux camps. Voilà en gros pour le résumé. Alors il se passe pas grand-chose dans ce premier épisode. J'ai été un chouï déçu quand même. Je m'attendais à ce que les enjeux soient davantage exposés et que ce soit plus prenant. Maintenant, il y a quand même des choses intéressantes. La première moitié est plutôt intéressante. On rencontre des personnages plutôt bien écrits. Le sorcier avec son petit-fils indien, là, il y a des dialogues qui sont bien, qui installent de bons mystères. Il croise aussi une infirmière qui, elle aussi, a l'air assez intrigante. Et puis ensuite, on passe dans une deuxième partie où là, Il y a vraiment beaucoup d'actions, de tirs, ça tire dans tous les sens entre les deux camps, dans un camp. D'ailleurs, le basculement entre les deux parties se fait un peu de façon un peu brutale, j'ai trouvé. Je ne m'attendais pas à ce que ça bascule comme ça. Et puis après, voilà, c'est beaucoup d'actions et il a encore des visions, là, mais j'étais un peu moins emballé par cette partie-là. Donc, et puis ça se conclut sur un cliffhanger qui n'est pas non plus totalement transcendant. Donc, au niveau de l'histoire, je suis un petit peu mitigé. Je vais aller voir le deuxième épisode quand même pour me faire une idée. Je verrai bien. Par contre, au niveau dessin, c'est assez sublime quand même. C'est hyper précis, très beau. Le dessinateur arrive à proposer un environnement. Alors, ça fait un peu franco-belge. Ça fait pas totalement comics, mais en termes de dessin, de décor, de précision, voilà, sur les, il y a des chevaux, il y a voilà tout un contexte de l'époque et de la guerre civile qui est plutôt bien mis en scène. Et puis les couleurs de Dave Stewart, on le connaît, hein, c'est quand même pas un manchot, sont vraiment très belles. Donc presque, on va dire, un coup de cœur graphique, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, au niveau histoire, un petit peu plus mitigé. Je vais attendre de voir le suivant pour savoir si je vais continuer ou pas. J'en espère un petit peu plus. Voilà, je suis un petit peu mitigé. Un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, voilà. Et puis, très rapidement, alors, je fais un petit mix. Ouais. Hyper rapidement, alors, allons-y. Bah, juste un mot sur le Daredevil, parce que j'ai lu le 28, après avoir été déçu par le 26 et le 27. Le 28 reprend le fil classique hors King Black et on retrouve le Chibzarsky d'avant. C'est un épisode vraiment excellent qui gère les conséquences de l'event à travers les personnages, à la fois Daredevil, le Kingpin, Marie et comment s'appelle-t-elle, Elektra. Et franchement, c'est super bien écrit, c'est très touchant. C'est un épisode que j'ai trouvé très touchant. Et puis Checheto réalise encore des promesses. Donc bon, la parenthèse King Black était un petit passage obligé, on va dire, mais je pense que là on va retrouver des niveaux totalement fous et cette série est toujours et encore un coup de cœur. Parfait, moi je suis bien d'accord, le numéro 28 était vraiment très bon. Et bien voilà, du coup, tu voulais dire deux trois mots rapido des autres ou on se garde pour mieux les traiter. Si je vais dire Non, parce que la prochaine fois, je serai passé à autre chose. Donc, très rapidement, Crimson Flower, donc c'était Matt Kint et Matt Leniewski. Alors, série qui vaut surtout pour les dessins de Matt Leniewski, qui sont complètement fous. C'est très caricatural, mais c'est vraiment intéressant et plein, un peu psychédélique, un peu fou. Par contre, au niveau histoire, ça se lance pas trop. Donc, je sais pas trop ce qu'il veut nous raconter. Bon, ça va être une série assez courte, donc je vais quand même continuer, mais pas totalement emballé par le scénario. Post-Americana 3, j'avais trouvé le précédent, donc c'est Steve Cross, hein. J'avais trouvé le précédent assez fun, mais un peu pas décérébré, pas à ce point-là quand même. C'était beaucoup d'action, quoi. Pas beaucoup de. L'univers n'était pas trop développé, et là, dans le 3, il développe bien son univers, il raconte un peu le passé et comment on en est arrivé à cette situation. Et voilà, la série est remontée un peu dans mon cœur et mon estime. Et puis en termes de dessin, c'est du Steve Cross au top. Et enfin, le Department of Truth numéro 6, qui était une parenthèse graphique, on va dire, comment s'appelle-t-il ? Martin Simmons, ouais. Puisque c'est Elsa Chartier qui dessine, qui raconte, c'est toujours sur le thème évidemment des complots, etc., qu'on peut avoir. Donc là, il reprend à travers le personnage de Liers Beauval qui vient lire un ancien manuscrit sur la possible imposture de la construction du christianisme. C'est très sympa à lire, j'ai bien aimé. Effectivement, on n'est pas dans le même côté mystérieux avec le dessin d'Elsa Chartier, parce que c'est beaucoup plus rond et beaucoup moins expérimental, effectivement, évidemment, que Martin Simmons. Mais c'est un épisode sympa, très sympa à lire. Je pense que ça fait un peu one shot, hein, indépendant du reste. Mais j'ai pris plaisir à le lire. C'était assez agréable. Voilà. Okay. J'ai fini. Parfait. Mes petites lectures. Parfait, parfait. Et bien, ça fait encore pas mal de choses à découvrir pour ceux qui nous écoutent, ou à continuer, ou à poursuivre. Si vous avez déjà succombé depuis quelques numéros aux séries dont on vous parle régulièrement, On va essayer de se retrouver assez rapidement pour une nouvelle fournée de lecture, et notamment Oui. voilà, la suite de ce Infinite Frontier chez DC. Il y a du Noctera chez Image aussi, il faut qu'on dise deux mots de Radiant Black, deux, trois trucs comme ça, donc on a encore du contenu à vous proposer dans les semaines à venir. Guettez donc l'apparition du prochain épisode qui sera le 311e. D'ici là, prenez soin de vous et surtout bonne lecture. À très vite. Salut. Salut.